إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن أمة الإسلام أمة علم، وأول آية أنزلت في الحث عليه، وأول آية من كتاب الله أنزلت في الحث عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. وسمى الله سبحانه وتعالى ذاته بالعليم، ووصف نفسه بالعلم، وتعرف إلى خلقه به. قال سبحانه: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والرسالة كلها علم وعمل، فالعلم شطرها. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، بالهدى أي بالعلم النافع، ودين الحق أي بالعمل الصالح. ولا شيء أيها المسلمون، لا شيء أطيب للعبد وأصلح لقلبه من محبة الله، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم. هو الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء من عباده. قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وامتن الله سبحانه وتعالى على آدم عليه السلام، وأظهر فضله على الملائكة بعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. واصطفى الله سبحانه وتعالى بالعلم أنبياءه ورسله ومن شاء من خلقه، فبشرت الملائكة امرأة إبراهيم بإسحاق غلام عليم، ويوسف عليه السلام قال الله عنه: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وتحدث يوسف بنعمة الله عز وجل عليه قائلا: إني حفيظ عليم. وموسى عليه السلام أكرم بالعلم، قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وقال الله عن داود وسليمان عليهما السلام: وكلا آتينا حكما وعلما. وذكر به عيسى عليه السلام فقال سبحانه: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. والخضر لما فضله الله بعلم ليس عند غيره رحل إليه نبي من أولي العزم من الرسل، قال سبحانه: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Ça c'est, chers musulmans et musulmanes, que notre communauté musulmane est la communauté de la science et de la connaissance. Et le premier verset révélé dans le Coran est le verset de sourate Iqra: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné comme nom Al-Alim, celui qui a la science de toutes choses, celui qui a la science parfaite subhanahu wa ta'ala. Et Al-Ilm, la science, fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal, toujours dans sourate Al-Alaq: c'est lui qui a enseigné par la plume et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et l'ensemble du message de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est science et œuvre et action. Ainsi, la science est la moitié du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla dit son le sens. C'est lui qui a envoyé son prophète avec la guidée, c'est-à-dire la science bénéfique et la religion de vérité, c'est-à-dire les œuvres pieuses. Et la chose la plus convoitée chez le musulman et la musulmane est le fait d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'aimer Allah et d'être aimé par Allah. Et il n'y a de voie pour aimer Allah et pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'à travers la science. Cette sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Il dit subhanahu, il donne la sagesse à qui il veut. Et celui qui se verra donner la sagesse se verra donner un immense bien. Mais seuls les doués de raison réfléchissent. Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de bienfaits Adam alayhi salam et a fait en sorte qu'il surpasse les autres de par la science qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordée. Il dit subhanahu wa ta'ala sur le sens. Il a appris à Adam tous les noms, c'est-à-dire tous les noms de toutes choses. Puis, il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de cela si vous êtes véridiques. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi par la science ses prophètes et envoyés, ainsi que ceux qu'il a désignés parmi ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Ainsi les anges ont annoncé la bonne nouvelle à Sarah, l'épouse d'Ibrahim alayhi salam, qu'elle allait avoir un enfant, appelé Ishaq, qui sera un enfant à qui la science sera accordée. Yusuf alayhi salam, Allah Azza wa Jalla dit à son sujet, et lorsqu'il eut atteint la maturité, nous lui avons alors donné le jugement et la science. Et Yusuf alayhi salam, lorsqu'il a parlé des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur lui, lorsqu'il a proposé au roi Al-Aziz d'être à son service, il a dit pour parler des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur lui, je suis un bon gardien et je suis connaisseur. Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jalla a été généreux envers lui lorsqu'il lui a accordé la science. Il dit subhanahu wa ta'ala son le sens. Et lorsqu'il lui a atteint la maturité et sa pleine formation, nous lui avons alors donné le jugement et la science. Allah Azza wa Jalla a dit au sujet des prophètes Daoud et Sulaiman alayhim assalam, il dit subhanahu son le sens, et à chacun nous avons donné le jugement et la science. Et Allah Azza wa Jal a rappelé à Isa alayhi salam les bienfaits dont il l'a comblé, et parmi ces bienfaits la science. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit son le sens, rappelle-toi en s'adressant à Isa alayhi salam, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit, qui est Jibril alayhi salam, au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr, je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Al-Khadir, lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a accordé une science que aucun autre humain n'avait en sa possession à l'époque, eh bien, c'est un des prophètes, un des meilleurs prophètes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à savoir Moussa alayhi salam, qui est parti le voir, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala son le sens, ils trouvèrent l'un de nos serviteurs, à qui nous avions donné une grâce de notre part, et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Ayyuhal muslimoun, wa'addadallahu ni'amahu ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, waja'ala al-ilma min ajalliha qadra, قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم ولم يأمره الله سبحانه وتعالى أي لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم قال تعالى وقل رب زدني علما والعلم أيها المسلمون العلم ميراث الأنبياء والوارثون لعلمهم خير الخلق بعدهم وأقرب الناس إليهم قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. واستشهد الله سبحانه أهل العلم على ألوهيته، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وبالعلم يخشى الله ويطاع، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونيل العلم خير وفلاح، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وخيار الناس أعلمهم، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى، ومن عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وما فشى الشرك والبدعة إلا لقلة العلم والبعد عن أهله، والضلال ثمار الجهل. ولذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة من طريق أهل الضلال، وذلك في كل ركعة من صلاتنا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله نفى التسوية بين أهل العلم وغيرهم، فلا يستوون كما لا يستوي الحي والميت، كما لا يستوي الأعمى والبصير. قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وبالعلم حياة العباد ونورهم، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله سبحانه وتعالى a également énuméré ses bienfaits sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la science fait partie des bienfaits les plus prestigieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala: et Allah a descendu sur toi le livre et la sagesse, et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et Allah azza wa jalla n'a pas ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander un surplus d'une chose, si ce n'est le surplus de la science. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, et dit: Seigneur, augmente-moi en science. La science, chers musulmans et musulmanes, est l'héritage des prophètes. Et les prophètes n'ont laissé en héritage ni argent, ni dinars, mais ils ont laissé la science. Ainsi, les meilleurs êtres humains après eux sont ceux qui auront été les héritiers des prophètes, ceux à qui Allah Azza wa Jalla a accordé la science bénéfique du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alayhi salatu wa sallam: les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé en héritage la science. Celui donc qui prend cette science aura pris une part immense, c'est-à-dire de cet héritage. Allah Azza wa Jal, de par le mérite des savants et des gens de science, les a pris comme témoins de son unicité. Il dit subhanahu wa ta'ala: Allah atteste que nul ne mérite d'être adoré que lui, de même que les anges et les gens de science. De même que les anges et les gens de science attestent et témoignent qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Par la science, l'on obtient et l'on acquiert la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et l'obéissance à Allah. Il dit, subhanahu wa ta'ala: ne craignent véritablement Allah parmi ses serviteurs que les savants. Celui qui obtient la science aura obtenu un bien et la félicité. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam: celui à qui Allah veut un bien, il lui accorde la bonne compréhension de la religion. Les meilleurs gens sont ceux qui sont les plus savants. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: les meilleurs d'entre vous pendant la période avant l'islam sont les meilleurs pendant l'islam, à condition qu'ils apprennent, à condition qu'ils apprennent l'islam et qu'ils comprennent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que la science est présente sur terre, les gens connaîtront la guidée. Celui qui adore Allah azza wa jal sans science, il détruira plus qu'il ne construira. Et lorsque le polythéisme et l'innovation se propagent, cela est la conséquence de l'ignorance. Sachez donc, chers musulmans et musulmanes, que l'égarement est la conséquence directe de l'ignorance. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de demander sa protection contre les gens de l'égarement, et ceci dans chaque unité de prière de nos prières quotidiennes, lorsque l'on dit « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » sauf le chemin de ceux qui ont encouru ta colère et de ceux qui se sont égarés. Allah Azza wa Jal a nié toute similitude entre les gens de science et autres. Ainsi, ceux qui ne savent pas et ceux qui savent ne peuvent être sur le même piédestal. Ils ne sont pas égaux, comme le mort et le vivant ne sont pas égaux. Ils ne sont pas comparables, comme l'on ne peut comparer celui qui voit de celui qui ne voit pas. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? La science, chers musulmans et musulmanes, est la vie, et ce qui donne la vie au serviteur, et c'est une lumière pour lui. Il dit, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, est-ce que celui qui était mort, et que nous avons ramené à la vie, et à qui nous avons assigné une lumière, qui est ici la science, grâce à laquelle il marche parmi les gens, et pareil à celui qui est dans les ténèbres, sans pouvoir en sortir. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Tazahhamu taqarabu barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أيها المسلمون أن الرحمة تغشى مجالس العلم والسكينة تتنزل عليهم والملائكة تحف أهلها قال صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم والعلم يدل على الله من أقرب الطريق إليه فمن سلك طريق العلم وصل إلى الله وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وبالعلم رفعة الدرجات في الحياة وبعد الممات قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولعظيم نفعه جاء الأمر بالإبلاغ ولو شيء منه ونشره في الآفاق قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que la miséricorde descend dans les assises de science, et que la quiétude également descend dans les assises de science. Et les anges recouvrent les assises de science de leurs ailes. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et les anges recouvrent de leurs ailes l'étudiant en science, en guise de satisfaction de ce qu'il fait. La science, à savoir la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est elle qui te permet d'emprunter le chemin qui t'amène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui emprunte le chemin de la science islamique arrivera à Allah, arrivera au paradis en empruntant le chemin le plus court et le chemin le plus facile. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui emprunte une voie dans laquelle il recherche la science, Allah lui facilitera une voie vers le paradis. Par la science, Allah subhanahu wa ta'ala élève nos degrés dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il dit subhanahu wa ta'ala, Allah élève en degrés ceux parmi vous qui ont cru et ceux qui ont eu la science. Et parce que la science est extrêmement bénéfique et profitable, eh bien il nous est ordonné de transmettre de cette science ne serait-ce qu'une chose infime. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Wa yajibu ala kulli muslim, as-sa'yu fi tahsil al-fard min al-ilm, wal-ladhi yusahihu bihi tawhidah, wa ibadatah, min salatihi wa sawmihi wa ghayriha, wa an yabdhula zamanan min waqtihi fi dhalik, wa la yastathqil hilaqahu wa majalisah. وعلى طالبه تعظيم قدره وأن تكون نيته خالصة لوجه الله لا يماري بعلمه السفهاء ولا يجادل به العلماء ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. Il est donc obligatoire et c'est un devoir pour chaque musulman et musulmane d'apprendre et de connaître la science obligatoire. La science qui te permet de corriger ta croyance. La science qui te permet d'adorer Allah Azzawajal seul sans ne rien lui associer. Cette science qui te permet d'adorer Allah Azzawajal de façon convenable. Cette science qui te permettra de prier comme il se doit, de jeûner comme il se doit, et ainsi de suite les autres piliers de l'islam. Et le musulman ne doit pas hésiter à donner de son temps dans l'apprentissage de la science. Et il ne doit pas sentir, il ne doit pas considérer les assises de science comme des assises lourdes et difficiles dans lesquelles il est difficile de se rendre. Et celui qui apprend la science doit donner à la science la valeur qui est la sienne. Et celui qui apprend la science, qu'il l'apprenne en toute sincérité, en voulant dans son apprentissage de la science la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'apprend pas la science pour se surpasser, pour s'enorgueillir devant les personnes viles. Il n'apprend pas la science dans le but de polémiquer avec les savants. Celui qui apprend la science et met en pratique ce qu'Allah azza wa jal lui a accordé comme science, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui permettra d'apprendre ce qu'il ne connaît pas. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا اللهم علمنا ما جهلنا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.